Iman. Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici tout de suite les grandes articulations. Le président somalien en visite au Burundi depuis ce mercredi remercie les autorités du pays pour le rôle joué par les militaires burundais dans le maintien de la paix dans son pays. La traçabilité des devises qui rentrent au pays laisse à désirer. Le numéro 1 burundais l'a réaffirmé ce mardi dans une rencontre avec les gestionnaires des banques locales. Et à Karoussi, des ponts détruits depuis environ 5 ans sont en train d'être réhabilités au grand plaisir des exploitants des marais Kiwenga et Nyabiho de la rivière Ndurumo. C'est dans les communes Gitaramuka et Wuhika. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le président somalien est en visite au Burundi depuis ce mercredi. Hassan Cheikh Mohamed vient renforcer les relations bilatérales entre le Burundi et la Somalie et surtout remercier les autorités du pays pour le rôle joué par les militaires burundais dans le maintien de la paix en Somalie. Il a été reçu en audience par son homologue burundais Evariste Ndayishimiye. Après quoi, le ministre burundais de la coopération a indiqué que les deux présidents ont échangé également sur les questions de sécurité dans le monde, plus particulièrement dans les pays des Grands Lacs, à savoir la RDC et le Soudan. Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Le président somalien a effectué une visite de travail au Burundi ce mercredi. Il a été reçu en audience par son homologue burundais Evariste Ndayishimiye. Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale de deux pays, comme le ministre burundais des Affaires étrangères et la coopération qui a lu le communiqué l'indique. Une occasion pour le président Hassan Cheikh Mohamed de féliciter chaleureusement son homologue burundais pour le rôle du Burundi dans la mission de maintien de la paix en Somalie. Le président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Cheikh Mohamed, a effectué cette visite de travail au Burundi par invitation de son homologue burundais Evariste Ndayishimiye. Les deux chefs d'État ont passé en revue l'état de la coopération bilatérale entre les deux pays amis et ont souligné la nécessité d'élever toujours à un autre niveau basé sur la confiance mutuelle pour l'intérêt partagé des deux gouvernements et peuples respectifs. Le président de la Somalie, Hassan Cheikh Mohamed, a chaleureusement féliciter son homologue burundais Evariste Ndayishimiye pour ses efforts inlassables en vue de contribuer au renforcement de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Somalie par le biais de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie ATMIS. En outre, les deux parties ont souligné qu'il est important que la communauté internationale soutienne les efforts régionaux actuels visant à trouver une solution politique globale à la crise qui vit l'est de la RDC et au Soudan. The two sides also review it, the regional and international situations. Les deux parties ont souligné qu'il était important que la communauté internationale soutienne pleinement les efforts régionaux actuels visant à trouver une solution politique globale à la crise en RDC dans le cadre du processus de Nairobi et du Luanda. À ce qui concerne le Soudan, les deux leaders ont souligné la nécessité urgente de cesser le feu immédiatement pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire et trouver une solution durable au conflit soudanais par le dialogue et la coopération. Les deux chefs d'État ont en outre réaffirmé la nécessité de respecter la Charte des Nations Unies, le droit international et les instruments juridiques pertinents dans la gestion des conflits actuels dans le monde et le rejet du recours unilatéral à la force pour relever les défis mondiaux communs. À cet égard, les deux chefs d'État ont lancé un appel à toutes les parties au conflit en cours dans le monde pour qu'elles cessent immédiatement le feu afin de sauver la vie innocente. Le président somalien a également félicité le Burundi pour sa contribution dans les opérations de maintien de la paix en République centrafricaine. Merci Jean-Marie Vianney. Le président de la République du Burundi appelle les banques à une bonne gestion des devises en collaboration avec les bureaux de change. Il l'a dit ce mardi au cours d'une rencontre avec les gestionnaires des banques. Il estime que le Burundi devrait prendre l'exemple d'autres pays comme la Tanzanie qui enregistre régulièrement l'entrée des devises. Le président Evariste Ndayishimiye affirme que la traçabilité des devises laisse à désirer. Suivez plutôt le président Evariste Ndayishimiye, traduit par Alain Désiré Boukayenet. Les étrangers ne cessent d'entrer dans le pays, mais pas de traçabilité des devises alors que nous avons des bureaux de change. Est-ce que les bureaux de change collaborent effectivement avec les banques? Je pensais que les bureaux de change ne font que collecter les devises à destination des institutions bancaires. Nous nous sommes entretenus avec la Banque mondiale notamment. Mais nous ne voulons pas que les crédits qui nous seront octroyés nous retrouvent désorganisés. Il faut plutôt que nous soyons organisés davantage. Des fois, les devises de certaines banques sont attrapées en situation de fraude et pourtant, la banque centrale berbé n'était pas au courant. C'est cela qui cause une certaine méfiance envers nous et c'est ce qui nous cause des problèmes. Il faut que l'on dénonce cette situation. Les bureaux de change ne devraient pas travailler de cette manière. J'ai observé ce qui se passe en Tanzanie. Quand je me dirige vers une maison de change, on enregistre minutieusement le numéro de passeport, les entrées de devises occasionnées et l'on délivre à cet effet un reçu de telle sorte qu'un éventuel contrôle soit possible. Nous nous en sortirons. Seulement, nous devons le considérer comme une lutte. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye. Des habitants de la zone Gatumba en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura disent ne pas être prêts à être délocalisés vers un autre endroit, expliquant qu'ils s'y habitueraient très difficilement. De son côté, le chef de zone Jean Muyoboke appelle la population à continuer les travaux communautaires en cours pour se protéger contre les inondations. C'est après la déclaration du Premier ministre dans la récente émission publique, à savoir que la construction de la digue tant réclamée n'est pas une solution durable. Omer Ndouayo les a rencontrés pour nous. Voici son reportage. Ce sont certains points de vue des habitants de Gatumba sur la question de déménager dans cet endroit souvent inondé pendant la saison pluvieuse. Ils disent avoir mal accueilli l'annonce du Premier ministre lors de l'émission publique passée, laquelle souligne que la construction de la digue n'est pas une solution durable. Ils expliquent qu'ils ne sont pas prêts à déménager. Moi, je n'étais pas content pourquoi, puisque à Gatumba, c'est là où nos grands-pères, nos grandes-mères, ils ont vécu. Nous les avons même enterrés ici, même à Gatumba. Et moi-même, je suis né à Gatumba, je suis grandi à Gatumba, et mes enfants aussi habitent Gatumba. Alors, je me dis que je peux être localisé ici à Gatumba. Je vois que ce n'est pas une bonne mesure. La bonne mesure, c'est de faire construire une digue. Je suis né ici à Gatumba en 1961. J'ai 4 parcelles et 10 enfants. Tous mes champs sont dans cette localité. Est-ce qu'ils vont me donner tous ces biens après la délocalisation? Que l'État s'engage pour nous construire la digue. Pour faire face aux inondations, ces habitants organisent des travaux communautaires tous les jeudis et samedis. À cet effet, et afin de se protéger, ils remplissent les sacs du sol pour bloquer toutes les voies de passage d'eau. Des initiatives soutenues par l'administration locale. Ngoé Louis est un élu du quartier. Ce sont des travaux communautaires exécutés par la population tous les jeudis et samedis. Nous avons espoir que ça va nous protéger contre les inondations. Vaudrait mieux que le gouvernement toque ça et là pour trouver les moyens de construire la digue. Sinon, nous ne sommes pas prêts à déménager. L'administration zonale indique que des sensibilisations sont faites à l'endroit de la population pour appliquer les orientations du gouvernement. Muyoboke Jean, chef de zone Gatumba, rassure. L'administration zonale sensibilise la population au respect de l'orientation gouvernementale. La question de délocalisation est une affaire du gouvernement. Nous attendons sa mise en application. Sinon, aujourd'hui, nous avons opté aux travaux communautaires pour faire face aux inondations. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de dégâts majeurs enregistrés depuis qu'il y pleut. Cependant, des eaux stagnantes sont constatées dans quelques endroits. Omer Ndouayo, de retour de Gatumba. La Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi dit qu'elle a appris avec regret la nouvelle de l'enseignant de l'école fondamentale de Buhayira qui a utilisé les écoliers dans le transport des briques pendant les heures de cours. Le porte-parole de cette organisation rappelle que les enfants ne sont envoyés à l'école que pour étudier. Ferdinand Simbaruhije réclame une punition exemplaire à cet enseignant pour viol des droits des enfants. Suivez-le. La FNADEB trouve sincèrement que cela est inadmissible. D'abord, ce travail que nous qualifions d'odieux et forcé ne figure nulle part dans les programmes scolaires. C'est un enseignant qui affiche son comportement, c'est vraiment un enseignant pour nous et qui n'a pas vraiment d'empathie envers ses enfants, c'est-à-dire un enseignant sincèrement qui n'a rien de la déontologie qui devrait le caractériser. Et cela comprendrait comme nous, certainement, qu'a des répercussions aussi sur les résultats scolaires. En fait, quand un enfant passe son temps transporté de briques et à des fins commerciales, vous comprenez, parce que l'enseignant, c'était en fait son deal. Vous comprenez que vraiment, c'est vraiment une pure exploitation. Alors, par ailleurs, le Code du travail burundais, et en son article 10, 11 et 12, et interdit toutes les formes de travail aux enfants de moins de 16 ans. Et la même disposition montre que quand un enfant a 14 ans, qui peut faire certains travaux légers et qui sont dans le cadre de l'apprentissage au niveau de la fédération, il faut que l'enseignant en question, il faut qu'il soit vraiment sanctionné et sur le plan administratif, il faut aussi qu'il soit poursuivi sur le plan judiciaire. Nous voudrions aussi qu'il y ait vraiment des enquêtes bien approfondies pour chercher à comprendre s'il n'y a pas de complicité. Parce que pour nous, en fait, quand un enseignant à l'école, il a quand même ses autorités scolaires. Est-ce que cela le fait sans que ses supérieurs en soient informés? Ça, c'est une question que nous posons. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Nouvelle des Provence, à présent, les exploitants des marais Kiwenga et Nyabiho de la rivière Ndurumu, dans les communes Gitaramuka et Wihiga de la province Karusi, se réjouissent du début des activités de réhabilitation des ponts qui avaient été détruits depuis environ 5 ans. Seuls les piétons pouvaient passer alors que ces marais constituent une réserve importante de la culture du riz dans la province Karusi. Blaise Pascal Kararumiye. Les habitants des communes de Gitaramuka et Buhiga en province Karusi informent qu'il faisait environ 5 ans que les fréquentations entre les deux communes tournaient au ralenti, mais de même que le trafic entre les deux communes. Durant cette période, aller à Buhiga ou bien à Gitaramuka, par véhicule ou bien par moto, demandait de contourner vers la colline de Luhata qui augmente la distance et toujours suite à la destruction de trois ponts de la rivière Ndurumu au niveau de la localité de Kiwenga. Cette population ainsi salue le début des travaux de réhabilitation de ces trois ponts il y a un mois, mais aussi la réhabilitation de toutes les deux routes, celle de Kiwenga et celle de Nyabiho, au même moment. Les cultivateurs des marais de Kiwenga et Nyabiho, marais qui constituent le grenier du riz de la province Karusi, ne cachent pas non plus leur joie suite à leurs activités quotidiennes qui étaient devenues paralysées. Le conseil technique chargé du développement de la commune Gitaramuka, où passent ces deux routes de liaison, signale aussi leur satisfaction, d'autant plus que c'est cette commune qui a lancé un marché de la route passant par Nyabiho. Ils demandent à ceux qui exécutent ces travaux de bien les faire sans beaucoup tarder pour l'intérêt de toute la population qui en a besoin. Ils terminent en demandant aux responsables de ces travaux de réhabilitation et en particulier à l'agence routière du Burundi qui exécute les travaux de réhabilitation de ces ponts au niveau de Kiwenga, de chaque fois les informer de l'état des lieux des travaux, afin qu'eux aussi puissent faire le suivi de l'exécution de ces travaux. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararumiye pour la radio Isanganiro. Merci Blaise. Et le verdict prononcé en faveur du respect de la propriété de plus de 14 hectares du centre de formation professionnelle de Virimba dans la ville de Rumonge a été cassé et cette école n'a pas eu écho il y a plus de 3 ans. Cette cassation a été annoncée ce mardi 14 novembre 2023 lors d'une réunion d'enquête sur le préavis de grève dernièrement sorti par les employés de cette école. Certains signataires de ce préavis trouvent qu'il subsiste des zones d'ombre sur cette décision rendue publique à la fin des enquêtes d'une commission mise sur pied par le gouverneur de Rumonge à cette fin. Une information de notre correspondant Jean-Pierre Misako. Dans la série d'interviews que nous réalisons en prélude à la célébration du 21e anniversaire de la radio Isanganiro au 18 novembre, aujourd'hui nous vous proposons l'appréciation de Francis Sirohero, acteur politique indépendant. Il estime que la radio Isanganiro octroie un espace à chaque personne qui veut exprimer son opinion. Il plaide aussi auprès du gouvernement pour qu'il appuie les médias comme la radio Isanganiro pour qu'ils puissent bien fonctionner. Suivez-le. J'ai d'abord eu la parole dans ce pays grâce à Radio Isanganiro. Dans ce pays où les médias publics sont faits pour servir le gouvernement, c'est grâce à Radio Isanganiro que moi j'ai pu être connu, que j'ai pu donner mes contributions dans la nation. Et je voudrais dire joyeux anniversaire à la Radio Isanganiro et de pouvoir continuer comme il a toujours été. J'ai souffert tellement quand il a été attaqué en 2015. J'ai été ravi et heureux quand il a recommencé d'émettre. Aujourd'hui, je lui souhaite de continuer et d'aller de l'avant. Radio Isanganiro, c'est pour moi une vitrine d'être là où les autres ne peuvent nous amener. Très souvent, j'ai des difficultés de capter Radio Isanganiro, des fois chez moi le matin ou même à l'intérieur du pays. Je suppose que c'est un problème de moyens, des moyens qu'ils ne peuvent pas avoir eux-mêmes. C'est d'abord une félicitation pour ceux qui le font déjà. J'ai toujours dit par le passé que les pouvoirs publics devraient aider les médias privés pour qu'ils puissent travailler parce qu'ils ne travaillent pas pour eux-mêmes. En fait, ils travaillent pour la nation et ce qu'ils font, c'est pour le développement du peuple. Donc, il devrait y avoir des possibilités d'aider ces médias pour qu'ils travaillent. Et je souhaite à Radio Isanganiro d'être supporté par le pouvoir, par les fonds que nous donnons comme des impôts, pour qu'ils puissent travailler. Et je souhaiterais aussi que ces travailleurs, les journalistes et tous les autres, puissent être aidés dans la formation, dans autre chose, pour qu'ils puissent aller de l'avant et aller vers l'excellence, comme ils le disent toujours. Parle, rassure-moi. Des enfants de la colline Kanenge de la zone Kigwena, commune et province Rumonge, disent être mal informés sur l'histoire du passé, notamment ce qui concerne les auteurs et les victimes de tueries dans les différents groupes ethniques. Béatrice Ndaïsenga, conseillère du gouverneur chargée du développement familial, rappelle aux parents que la mauvaise gestion des mémoires est l'une des causes cycliques des conflits. La chronique parle, rassure-moi, avec Ornella Mocho. Ces enfants des collines Kanenge, Nyakuguma, de la commune et province Rumonge, disent que malgré leur jeune âge, ils sont conscients qu'il n'y a aucune importance d'attiser la haine entre les groupes ethniques. Ces enfants révèlent qu'ils demandent à leurs parents les causes des décès de l'un ou plusieurs membres de leur famille et que la réponse est donnée d'une manière différente. Ce que Dieu sait, c'est que j'ai grandi en me sentant comme un orphelin à cause de la guerre. Par exemple, dans notre famille, je n'ai aucun oncle. Ils ont été victimes de la guerre. Mon grand-père est mort en 1972 pendant la guerre. Mes parents ne m'ont jamais montré ceux qui ont tué ma famille. Ils m'ont juste dit qu'ils sont morts pendant la guerre. C'est ce que j'ai décidé de croire, parce que l'une ou l'autre peut être victime de la guerre. J'ai fréquenté la même école avec des élèves qui venaient de Mugamba. Ils aimaient pointer du doigt les Tutsis, mais ce n'était pas avec un cœur aigri. On sentait juste qu'ils voulaient se mettre à l'écart. Certains parents trouvent très important de préciser les auteurs et victimes dans le but de montrer les causes profondes des divisions afin de ne plus retomber dans ces conflits cycliques. Lorsque des enfants apprennent qu'une personne est morte, on leur explique dans quelles circonstances telle ou telle personne est morte. Si des gens sont morts pendant la guerre ou si leur mort a été causée par une maladie, en leur racontant, je précise les auteurs et les victimes, ainsi que leur groupe ethnique. Béatrice Ndaïsenga, conseillère du gouverneur chargé du développement familial, indique que cette manière de transmission des mémoires n'est pas du tout bonne et rappelle aux parents d'éviter toute forme de transmission violente des mémoires. Elle tient à souligner que s'ils apprennent qu'un parent essaie d'inciter la haine à ses enfants, l'administration prend le devant pour contrecarrer. En bref, pour boucler ce journal, la Cour suprême britannique a confirmé ce mercredi 15 novembre l'illégalité du projet hautement controversé du gouvernement d'expulser vers le Rwanda les demandeurs d'asile arrivés illégalement sur le sol britannique. Le projet avait été rejeté par une cour d'appel britannique en juin dernier. Cette décision est un coup dur pour le Premier ministre Rishi Sunak, qui doit faire face aux pressions de son parti conservateur et d'une partie de l'opinion publique sur la question de l'immigration à moins d'un an des prochaines élections législatives. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.